Tutasimama pamoja tafadhali. Vous savez mes frères, mnajua ndugu zangu, Dieu est réel. Mungu ni wa kweli. J'ai vu papa François ici. Niliona papa François hapa. Papa Frank. Alléluia. Amen. Le Dieu des cieux est présent en ces lieux. Mungu wa mbingu iko mahali hapa. Dieu est présent. Mungu iko. Et Dieu est réel. Na Mungu ni wa kweli. Il a dit venez à moi. Alisema njoni kwangu. Tout ce qui est fatigué, chargé. Nyote ambao mnalemewa na mizigo mzito. Je vous donnerai du repos. Nami nitawapa pumziko. Maman Frank vient. Je voudrais vous montrer quelque chose. Ningependa nionyeshe kitu moja. Écoutons quelque chose que Maman Annie veut dire à son mari. Mon mari, mon amour, je t'aime beaucoup. Tu sais, tu es l'homme de ma vie. La volonté de Dieu pour moi, c'est toi. Je ne m'imagine pas ma vie sans toi. Qu'est-ce que vous observez chez lui? Qu'est-ce que vous observez? Les caméras, vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez constaté? Hein? Émotion et les larmes. Dieu est vrai. Dieu est réel. Écoutez, attends. Je voudrais que nous comprenions ceci en ce début du programme. Chaque fois que tu parles à Dieu, tu parles à un Dieu vrai. Mais plus tu parles à un Dieu sensible. Nous ne nous adressons pas à un Dieu qui est bizarre, un Dieu bizarre. Un Dieu sans cœur, un Dieu qui nous écoute lui dire Baba oh, et puis regarde. Un Dieu qui t'écoute en train de lui dire Seigneur, je t'aime. Et puis. Mes frères, tu ne vas pas sortir de ce programme comme tu es venu. Attends. Nous devons prendre conscience de Dieu, de la véracité de Dieu, du cœur de Dieu. Si un homme, regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Vous qui êtes des hommes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si nous, nous sommes des humains, Franck, tu es un humain, des petites phrases te font sangloter. À combien plus forte raison Dieu? Seigneur, là-haut, tu nous écoutes, non? Nous te croyons, Seigneur. Écoutez-moi bien. Si cette femme introduit à l'occasion une demande à son mari, qu'est-ce que vous pensez? Elle va rentrer vide? Est-ce qu'elle va rentrer vide? Même s'il n'y avait pas d'argent, il risque d'aller s'emprunter. Et Dieu n'ira pas s'emprunter. Il est tout puissant. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu tout. Il est la réponse à tout. Il est le tout capable. Il est le tout capable. Il est le tout capable. Jésus. Chante-nous encore le Baba O. Chante-nous encore ça. Conduis-nous encore. Baba O. Est-ce qu'on peut le chanter avec elle? Baba O. Maintenant, on ne chante pas pour elle. On ne chante pas pour les voisins. Chacun monte. Chacun monte et considère que tu t'adresses au Dieu. Au Dieu vivant. Je t'appelle mon Père, Baba. Je t'appelle Baba. Abba Father. Tu es mon Père, tu es mon Dieu. Abba Father. Yahshua. Écoute-le, Seigneur. Écoute l'expression de mon cœur. Écoute-nous, Yahweh Dieu. Oh, Baba. Écoute ta fille, oh Dieu. Baba, oh, oh. Maintenant, introduis ta demande. Introduis ta demande à Baba. Vas-y, introduis ta demande. Prends une ou deux minutes, introduis ta demande à Baba. Anza kumwambia Baba itaji lako. Olbi, c'est lui devant qui nous crions Abba, Père. Paulo nasema yanaitwa Baba. Abba, Baba. Abba, Baba. Introduis ta demande à papa. Anza kumwambia Mungu itaji lako. Il est écrit, il ne rejette pas toujours. Imeandikwa yeye atupilie kwa milele. Il est écrit, même quand il fait la plaie, il abonde. Imeandikwa ya kwamba hata wakati analeta kidonda. Il est écrit, je ne vous ai pas demandé de me prier en vain. Imeandikwa sikuambia mniombe kwa bure. Father, fille. Écoute ton fils. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Il s'appelle le méchant. Accuse-le à papa. Commence à l'accuser. Dites à papa que tel ennemi, tel méchant a marché sur moi. Ambia baba adui fulani ametembea juu yangu. Anza kuchongea. Commence à l'accuser. Anza kumchongea. Oh, oh, oh, commence à l'accuser à papa. Anza kumchongea. Commence à l'accuser. Anza kumchongea. Il a pris ton lot. Il a pris ce qui est à toi. Amechukua ilio yako. Papa. Baba. Il a pris ce qui est à moi. Ametoa yangu. Il a pris mon lot. Amechukua sehemu yangu. Il a pris ton ministère. Amechukua huduma yako. Il a pris ta santé. Amechukua afya yako. Il a pris ta vie. Amechukua maisha yako. Il a arraché tes enfants. Ametoa watoto wako. Il a arraché ton mari. Ametoa mume wako. Il a arraché ta femme. Ametoa mke wako. Seigneur, regarde. Bwana ona. Papa, écoute. Baba, sikiliza. Cette femme. Huu mke. A arraché. Ametoa. Mon mari. Mume wangu. Cette femme a arraché mon mari. Mwanamke huyu ametoa mume wangu. Akizile, akizile. Mchongee, umchongee. Dis à l'Éternel. Les écluses, Seigneur. Fungua milango za mbingu Bwana. Baba. Oh. Oh, oh. Baba. Oh. Baba. Nous sommes au rendez-vous, Seigneur notre Père. Nous sommes venus au rendez-vous. On acclame notre Père. Nous acclamons Baba yetu. Nous shangilia baba yetu na tunaketi. Tunaketi mbele za Bwana. Hallelujah. Amen. Vous saluez au nom du Seigneur. Tunawasalimu ndani ya jina la Bwana. Nous saluons les bien-aimés qui sont derrière. Tunawasalimu wapendwa ambao wako kule nyuma. Je vous vois, je vous salue au nom du Seigneur. Nawaona na wasalimu kwa jina la Bwana. Alléluia. Amen. Nous voulons continuer sur notre pensée. Tunatamani kuendelea na wazo letu. Dégager du sceptre de la méchanceté par sa grâce. Toka fimbo ya uovu kupitia neema yake. Ma prière, ombi langu, est qu'à la fin de ce programme, kwamba kwa mwisho mpango huu, nous soyons différents. Tuwe tofauti. Parce que quelque chose est en train de se passer. Sababu kuna kitu ambacho kiko kinapitikana. Le Dieu des cieux est venu au milieu de nous. Mungu wa mbingu amekuja miongoni mwetu. Je vous ai dit le premier jour. Niliwaambia siku ya kwanza. Dieu dit à Moïse. Mungu anamwambia Musa. J'ai entendu les cris de mon peuple. Nimesikiliza kilio cha watu wangu. J'ai vu la souffrance. Na nimeona mateso. Et je suis descendu. Na nimeshuka. Pour le délivrer. Kwa ajili ya kuwafungua. Maintenant. Sasa. Va. Wende. Et Moïse pouvait dire non, Seigneur. Na Musa angepaswa kusema hapana Bwana. Toi va. Si wewe uende. Il dit non. Anasema hapana. Moi je viens d'arriver. Mimi nimemaliza kufika. Pour délivrer le peuple. Ili kwamba nikomboe watu. Lakini wewe Musa wende. Dieu est venu te délivrer. Mungu amekuja kukukomboa. Dieu a entendu ton cri. Mungu amesikiliza kilio chako. Le cri que te font arracher la méchanceté. Kilio ambacho kinatokana na uovu. Dieu a entendu tes cris. Mungu amesikiliza kilio chako. Et il dit je suis venu. Na nasema nimekuja. Et puis il te dit toi va. Na kisha nakuambia wewe enda. Qu'est-ce que ça veut dire? Inamaanisha nini? Ça veut dire. Yamaanisha. Je suis venu te délivrer. Nimekuja kukufungua. Avec toi. Pamoja na wewe. Il faut que tu participes. Inaomba uhudhurie. Quel plaisir. Furaha gani? Moïse. Musa. Avez-vous déjà essayé de vous mettre à sa place? Je umeshapima kujiweka kwa nafasi yake. Il crie, le peuple crie, tout le monde pleure, nous sommes foutus, on est entre les marteaux et l'enclume. Et Dieu dit, watu Moïse, watu wanalia na kisha pourquoi tu pleures? Sababu gani lève, ta, lève la verge. Nyosha fimbo yako. Et fend la mer. Na wendo kakawe bahari. Et Moïse obéit. Na kisha Musa anatii. Et il fend la mer. Na napasua bahari. Et puis ça marche. Na kisha mambo yanaendeka. Si Dieu avait fendu la mer lui-même, Mungu yeye mwenyewe angegawa bahari. Comment vous trouvez Moïse? Mnaona namna gani Musa? Dieu pouvait fendre la mer lui-même. Mungu angepasha kugawa bahari yeye mwenyewe. Quelle joie pour Moïse! Furaha gani kwa ajili ya Musa? Quelle gloire pour Moïse! Utukufu gani kwa ajili ya Musa? Paul dit quand nous contemplons sa gloire. Paulo anasema tunapotazama utukufu wake. Nous sommes transformés en la même image. Tunabadilishwa kwa picha hiyo hiyo. Utukufu mmoja hadi mwingine. Comme pour le Seigneur. Kama vile kupitia Bwana roho. Lorsque Dieu nous fait participer. Wakati Mungu anafanya kwamba tushiriki. Dans ses exploits. Ndani ya mastajabu yake. Il nous fait profiter. Anafanya kwamba tufaidie. À sa gloire. Utukufu wake. Dieu peut venir en ces lieux. Mungu anaweza kuja mali hapa. Et dire à tout le monde. Na naambia watu wote. OK, vous êtes délivré, rentrez à la maison. Sawa mumefunguliwa murudi nyumbani. Et puis tu rentres à la maison. Na kisha unarudi nyumbani. Tu sais même pas à quoi on t'a délivré. Haujui umefunguliwa utatoka ndani ya nini. Mais hier Dieu nous a dit. Lakini jana Mungu alituambia. Trois choses à observer. Vitu tatu vya kuchunguza. Il faut évaluer. Inaomba kupima. Ta situation et sa gravité. Hali yako unayoipitia na uhatari wake. Ya pili. Il faut évaluer. Inaomba kupima. Les visées de l'ennemi. Shabaha za adui. Sur ta vie et ton avenir. Juu ya maisha yako na ujao wako. Ya tatu. Il faut visualiser. Inaomba kutazama. Il faut voir. Inaomba kuona. Il faut percevoir. Inaomba kutazama. Les résultats. Matokeo. Ou l'état final. Ama hali ya mwisho. Que tu vas avoir. Ambao utakuwa nayo. Après que Dieu te soit sorti de la méchanceté. Kisha Mungu kukuondoa toka chini ya uovu. Afin que. Ili kwamba. Tu participes. Uweze kuhudhuria ama kushiriki. Moïse Musa avait déjà participé. Alikuwa ameshashiriki. Appliquer ces trois principes 40 ans avant. Kwa ajili ya kutimiza hii kanuni tatu miaka makumi ine mbele. Mais il a essayé même. Lakini alipima. De commencer. Kuanza. Ça n'a pas marché. Lakini mambo hayakuendeka. Il a fui. Akakimbia. Et Dieu a dit, na Mungu akasema, dans cette région ici, ndani ya hii eneo, je connais quelqu'un, ninamjua mtu, qui a déjà évalué, ambaye amesha kupima, parce que le reste du peuple, sababu watu wengine, savait qu'il souffrait, walikuwa wanajua kika wanateseka, sous le fouet de l'Égyptien, wakipigwa na Misri. Mais il y a des choses qu'ils n'avaient pas évaluées. Lakini kuna vitu ambavyo hawakuvipima. Ils n'ont pas perçu, hawakutazama, jusqu'à quel point, kwa namna gani, gagne. Adui alikuwa na faidia. Ils n'ont pas évalué hawakupima quel serait le résultat nini itakuwa matokeo s'ils sortaient de cet esclavage. Kama wanatoka ndani ya utumwa. Moïse avait déjà évalué. Lakini Musa alikuwa ameshapima mambo haya. Et quand Dieu cherche quelqu'un dans la région, wakati Mungu anatafuta mtu ndani ya eneo, personne d'autre haoni mtu mwingine que Moïse. Isipokuwa Musa. Et quand il le rencontre, anapomkutana, il dit à Moïse, anamwambia Musa, j'ai entendu les cris, nimesikiliza kilio, j'ai vu la souffrance de l'autre côté, nimeona mateso ngambo ingine, je suis descendu, na nimeshuka vous délivrer. Toi Moïse, wewe Musa, va. Wende. Toi Crispin, va. Wewe Crispin, wende. Rosette, va. Rosette, wende. Pourquoi? Sababu gani? Tu vas bénéficier. Sababu utafaidia. De mes succès. Utafaidia kufaulu kwangu. Tu vas jouir. Utafurahia. De la gloire. Utukufu que je vais distribuer dans cette affaire. Ambao nitagawa ndani ya hii kitu. Alléluia. Amina. Alors ne reste pas passive. Sasa usibaki bila kutumika. Ne reste pas passif. Usibaki bila kutumika. Tu dois participer. Unapaswa kushiriki. À ta délivrance. Kwa kufunguliwa kwako. Tu dois participer. Unapaswa kushiriki. À ton dégagement. Kwa kufunguliwa kwako. Dégager. Kufunguliwa. Du sceptre la méchanceté. Kutoka chini ya fimbo ya uovu. Par sa grâce. Kupitia neema yake. Il faut que je sois dégagé. Ninaomba nifunguliwe. Il faut que l'église soit dégagée. Ninaomba kanisa. Il faut que ma famille soit dégagée. Il faut que ma coutume soit dégagée. Que ma nation soit dégagée. Et Dieu dit, justement, va et fais-le. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Amen. Psaume 125:3. Zaburi 125 mstari wa 3. On peut le dire ensemble. Naweza kuisema pamoja. Car. Maana. Allons-y ensemble. Twende pamoja. Car. Maana. Le sceptre de la méchanceté. Fimbo ya uovu. Ne restera pas sur le lot des justes. Haitabaki juu ya sehemu ya walio haki. Afin que le juste. Ili kwamba mwenye haki. Ne tende pas les mains. Asiunyoshe mkono wake. Vers l'iniquité. Kwa maovu. Regardez aussi Esaïe 9. Tazama pia kitabu cha Isaya sura 9. Verset 6. Mustari wake wa 6. Allons-y ensemble. Twende pamoja. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. On est en train de lire avec moi? Je toko tunasoma pamoja. Allons-y. Twende pamoja. Donnez à l'empire patie de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. La méchanceté t'a longtemps cloué au sol. Tu ne pouvais plus t'accroître. Ta vie n'évolue pas. Ta famille n'évolue pas. Tes projets n'évoluent pas. Mais le zèle de l'Éternel des armées donnera de l'accroissement à ton empire. Kwa ufalme wako. De l'accroissement. Kukoma. Quand le mal marche sur nous, wakati maovu yanatembea juu yetu, rien ne progresse. Hakuna kinachoendelea. Hallelujah. Amen. Nous voulons commencer le deuxième chapitre. Natamani kuanza kipengele cha pili. Quelques empreintes. Chapa fulani. Du sceptre de la méchanceté sur la vie de l'homme. Za fimbo ya uovu juu ya maisha ya mwanadamu. Les empreintes. Chapa. Du sceptre de la méchanceté. Za fimbo ya uovu. Sur la vie de l'homme. Juu ya maisha ya mwanadamu. Nous avons introduit le texte ou le thème. Tumeweza kufungua mada. Depuis dimanche jusqu'hier. Tangu siku ya Mungu hadi jana. Nous voulons entrer dedans. Tunatafuta kuingia ndani. Mon frère et ma sœur. Ndugu yangu na dada yangu. Prends ce texte. Chukua maandiko haya. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Waefeso 6 mstari wa 12 et 13. Na 13. 2 Pierre chapitre 2 verset 4 à 9. Petro wa pili 2 4 hadi 9. Et puis Psaume 2 1 à 3. Na kisha Zaburi 2 1 hadi 3. Allons-y Ephésiens. Twende ndani ya kitabu cha Waefeso. Ephésiens chapitre 6. Waefeso sura 6. Il est écrit. Imeandikwa. Car maana nous n'avons pas à lutter atupigane contre la chair et le sang na mwili na damu mais contre les dominations bali na tawala contre les autorités mamlaka contre les principes les princes de ce monde wafalme wa dunia les ténèbres wa ulimwengu wa giza contre les esprits méchants dans le lieu céleste rochafu ndani ya mahali pa anga. Verset 11. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et prenez toutes les armes de Dieu, verset 13. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ili kwamba mpambane kwa siku mbaya na mubaki mara kisha kushinda yote na kwa kufuata wanaonyesha orodha ya silaha zote. Amina. Alléluia. Amina. Alors dans 2 Pierre. Twende ndani ya kitabu cha Petro wa pili. Rapidement. Haraka. C'est après Hébreux et Jacques. Nikisha kitabu cha Waebrania na Yakobo. 2 Pierre chapitre 2. Petro wa pili sura 2. Verset 4 à 9, il est écrit. Mstari wa 4 hadi 9 imeandikwa. Car. Maana. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. Tunaweza kusoma pamoja tafadhali. Les enfants restez calmes au balcon. Watoto mubaki kimya huko juu. Quelques moniteurs aillent là-bas pour aider. Walimu wa shule la Jumapili wanaweza enda huko kwa kuwasaidia. Verset 4. Sura ya 4. Mstari wa 4. Maana. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit aux cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. On peut relire ces versets-là. Tunaweza kusoma shaili hilo tena? S'il a condamné à la destruction et réduit aux cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux, surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Alléluia. Amen. Psaume 2, 1 à 3. Zaburi 2, mstari wa kwanza hadi wa pili. Il est écrit. Imeandikwa. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Tujifungue toka minyororo zao. Brisons leurs liens. Tuvunje. Délivrons-nous. Vifungo vyao. De leurs chaînes. Na tujifungue toka minyororo zao. Maintenant Moïse. Sasa Musa. Va. Wende. Tu fais partie. Wewe ni miongoni. Du peuple esclave. Wa watu ambao ni watumwa. Sous la méchanceté. Wako chini ya uovu. Délivre le peuple. Lakini wende ukafungue watu. Délivre toi. Wende ukajifungue. Va. Wende. Brisons leurs chaînes. Tuvunje minyororo yao. En Égypte, il y a tous ces dieux. Kuna miungu hizo zote. Que Moïse doit briser par les 10 plaies. Ambazo Musa anapaswa kuvunja kupitia mapigo 10. Il doit briser leurs chaînes. Anapaswa kuvunja minyororo yao. Sur le peuple. Juu ya watu. Il doit briser leurs chaînes. Anapaswa kuvunja minyororo yao. Il doit se libérer. Anapaswa kujifungua. De leur mémise. Kutoka mkono wao na watawala. Kutoka uovu wao. De même toi et moi. Wewe nous devons briser les chaînes qui pèsent sur nous et nous libérer de leur méchanceté. Alléluia. Amen. Mais qui sont-ils? Lakini wawo ni wanani? Les principautés, ni mamlaka, les autorités, ni les mamlaka, pouvoirs, ni uwezo, les esprits méchants dans ni le lieu céleste, mahali paanga, les princes de ce monde de ténèbres, ni wafalme wa ulimwengu wa giza. Et on peut allonger la liste. Na tunaweza kuendelesha les oroza. Démons. Mapepo. Les esprits territoriaux. Izi mapepo za eneo. Les esprits de coutume. Mapepo za mila. Les esprits des ancêtres malsains. Mapepo za mababu mbaya. Brisons leurs chaînes. Tufunje minyororo zao. Dégageons-nous. Tujifungue. De leur méchanceté. Kutoka uovu wao. Dieu dit à David. Mungu anamwambia Daudi. Tu poursuivras. Utafuatilia. Tu atteindras. Utawafikia. Et tu délivreras. Na utakomboa. Dieu ne dit pas à Moïse, à David. Mungu amwambie Daudi. Moi ton Dieu. Mimi Mungu wako. Je poursuivrai. Nitafuatilia. Moi ton Dieu, j'atteindrai. Mimi Mungu wako nitawafikia. Moi ton Dieu. Mimi Mungu wako. Je délivrerai. Nitafungua. Mais il dit toi David. Lakini anamwambia wewe Daudi. Poursuis. Fuatilia. Atteins. Wafikie. Et délivre. Na wendo kakomboe. Mais quel est le mystère? Lakini nini siri iliyo ndani? Ni kwamba mimi je Mungu wako. Ton mystère, niko siri yako. Je vais y aller avec na toi. Nitaenda pamoja na wewe. 400 hommes. Watu 400. Contre une armée des Amalécites. Wanatafuta kupambana na jeshi la Waamaleki. De l'aube le matin kuanzia pambazuko la asubuhi mpaka kesho magharibi. Combat sans fin, inakuwa ni vita bila mwisho, ni vita bila kupumzika. Quel est ton mystère David? Siri yako ni nini Daudi? Mon Dieu, Mungu wangu, est mon mystère. Yeye ni siri yangu. J'aimerais te dire ma sœur, mon frère. Ningependa nikuambie dada yangu na ndugu yangu. Dieu est venu. Mungu amekuja. Dans ce programme. Ndani ya mkutano huu. Notre mystère. Kama vile siri yetu. Vas-y. Wende. Il y a un mystère. Kuna siri qui plane sur toi. Ambayo iko juu yako. Ce mystère s'appelle. Na siri hiyo inaitwa. Le Dieu très haut. Mungu aliye juu sana. Le Dieu très haut. Mungu aliye juu sana. Le Dieu tout puissant. Mungu mwenye uwezo wote. Le Dieu très haut. Mungu aliye juu sana. L'éternel. Wa milele. Le créateur. Mumbaji. Sabaoth. Anaitwa Sabaoth. Shama. Anaitwa Shama. On l'appelle. Wanamuita. L'éternel Yahweh. Bwana Yahweh. Celui qui suit. Yule ambaye iko. Va dire aux anciens. Wende kawaambie wazee. Celui qui s'appelle. Ula anaitwa. Je suis m'est apparu. Niko amenitokea. Et il m'envoie nananituma pour vous sortir des 430 ans d'esclavage. Kwa ajili ya kuwaondoa ndani ya miaka 430 ya utumwa. De méchanceté. Miaka 430 ya uovu. Mumelia. Vos parents ont pleuré. Wazazi wenu wamelia. Ils sont morts en pleurant. Wamekufa wakilia. Vous avez la chance. Votre génération actuelle va voir la manifestation du Dieu mystère. Nous y allons. Tunaenda. On va libérer le peuple. Na tutafungua watu. D'ailleurs, demain, kwanza kesho, je vais chez le roi, nitaenda kwa mfalme, le pharaon. Farao. Et je vais lui parler. Na nitaongea naye. Mais Moïse, lakini Musa, le pharaon, il nous écrase. Huyu farao anatuangamiza. Il décrète des lois contre nous. Analeta maamri ambazo zinatupiganisha. Et puis il tue qui il veut. Na kisha anaua anayemtaka. Comment tu sais que toi il va pas te tuer? Sababu namna gani unajua kwamba wao hatakuua? Musa. Ce genre de jeune homme de 40 ans ici. Hawa vijana kama wa miaka makumi. Tu vas nous faire tuer. Utacha tunakufa. Arrête ta bêtise. Acha ile madhara yako no, ile. Hapana. Moïse sait. Musa anajua. Que au-dessus de sa tête. Ya kwamba juu ya kichwa chake. Il y a un mystère. Kuna siri. Quelqu'un acclame ce mystère. Kuna mtu anashangilia siri hiyo. Quelqu'un reçoit ce mystère. Kuna mtu anapokea siri hiyo. Ce mystère est sur toi. Siri hiyo iko juu yako. Ce mystère est avec toi. Siri hiyo iko pamoja nawe. Dans ton combat. Ndani ya vita vyako. Parce que Dieu est intéressé. Sababu Mungu anahusika kukufungua. Il est intéressé. Anahusika. Quelle gloire Dieu tire. Utukufu gani Mungu anaondoa. De tes larmes quotidiennes. Ndani ya machozi yako ya kila siku. Je te loue Seigneur parce que j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. Nakusifu Bwana sababu nimelia sana leo. Est-ce que ça tourne? Je mambo inaendeka hapo. Je te loue Seigneur parce que ce cancer était dans la trompe gauche, maintenant ça vient de naviguer dans la trompe droite. Nakusifu Bwana sababu hii kansa ilikuwa ngambo ya kushoto imeendea sasa kungambo ya kuume. Quelle gloire Dieu tire de tout ça. Mungu anaondoa utukufu gani ndani ya hiyo yote? Mon capital était 2000, ça devient 300. Nilikuwa natumikisha dola 2000, sasa nimekuwa na 300. Mungu anapata nini ndani ya hii? Hier tu donnais des offrandes de $200. Jana ulikuwa unatoa sadaka ya dola 200. Des offrandes de $5. Na sasa unaanza kutoa sadaka dola 5. Parce que le capital est parti de 2000 à 300. Sababu pesa uliyokuwa nayo imetoka dola 2000, unakuwa sasa na 300. Mungu anapata nini ndani ya hii? Mais si ton capital était $50. Lakini kama pesa uliyotumikisha ilikuwa dola 50 na ulikuwa unatoa sadaka ya dola 1000. Na kisha imepanda kwa 2000. Tu commences à donner des offrandes de $20 ou de $100. Unaanza kutoa sadaka ya dola 100. Mungu anapata nini? Dieu gagne dedans, non? Mungu sana pata ndani anafaidika. Qui ne voudrait pas y aller? Nani ambaye hangependa aende huko? Qui ne voudrait pas monter comme ça? Nani ambaye hangependa pande hivi? Je déclare que quelqu'un commence à monter. Natangaza kwamba kuna mtu anaanza kupanda kuanzia mpango huu. Parce que Dieu est au rendez-vous. Sababu Mungu iko hapa kwa mkutano. Mystère Dieu. Siri Mungu. S'installe. Inaingia. Dans vos entreprises. Ndani ya makampuni zenu. Il est écrit. Imeandikwa. J'ordonnerai à la bénédiction. Nitamuru baraka. Avec toi dans tes greniers. Ziwe pamoja nawe ndani ya ndani ya kazi zako zote na iwe hivyo. Pourquoi des tumultes parmi le peuple? Sababu gani malalamiko ndani ya watu? Brisons leurs chaînes. Tufunje minyororo zao. Brisons leurs liens. Tufunje minyororo yao. Alléluia. Amen. Alors frères et sœurs, sasa ndugu na dada, il y a deux niveaux. Kuna viwango mbili. D'impact ou d'emprise. Vya ushawishi sur les êtres humains. Vya uovu juu ya wanadamu. Il y a le niveau individuel. Kuna kuwa ngazi ya kipekee. Et le niveau collectif. Na ngazi ya ujumla. Et dans le niveau collectif. Na ndani ya ngazi hii ya ujumla. On peut citer l'emprise du diable sur une famille. Tunaweza kuzungumzia utawala wa shetani juu ya jamaa. Ou l'emprise du diable sur une collectivité. Ama utawala wa shetani juu ya eneo. Sur un peuple. Juu ya watu. Ou sur une nation. Ama juu ya taifa. Et Dieu n'a pas hésité. Na Mungu hakusita. De frapper des peuples entiers. Kupiga watu mataifa. Pour s'assurer. Kwa ajili ya kuhakikisha. Que son bien-aimé. Ya kwamba mpendwa wake. Sort de la méchanceté. Anaondoka chini ya uovu. Il est écrit dans Isaïe. Imeandikwa ndani ya kitabu cha Isaya. Il donne des hommes à ta place. Anawatoa watu kwa nafasi yako. Et des peuples pour ta vie. Na mataifa kwa ajili ya uzima wako. Dieu est capable. Mungu iko na uwezo. Même de tuer les gens. Ya kuwaua hata watu. À cause de toi. Kwa ajili yako. Pourquoi? Sababu gani? Car tu as du prix à mes yeux. Sababu una bei machoni pangu. Et que tu es honoré. Na unaheshimishwa. Et que je t'aime. Na nakupenda. Je donne des hommes à ta place. Na watoa watu kwa nafasi yako. Et des peuples pour ta vie. Na mataifa kwa ajili ya uzima wako. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut distinguer. Tunaweza kutofautisha. Trois natures de méchanceté. Hali tatu za uovu. Trois natures de méchanceté. Hali tatu za uovu. Que l'ennemi exerce. Ambazo adui anatumia. Sur les hommes. Juu ya wanadamu. La première nature. Hali ya kwanza. De méchanceté. Ya uovu. C'est l'emprise sournoise. Inakuwa ni utawala wa kisiri. La deuxième. Ya pili. C'est l'emprise ouverte ou manifeste. Ni utawala ambao unaonekana. Et la troisième, tatu, c'est l'emprise sociopolitique. Ni utawala wa kijamii na kisiasa. Premièrement, l'emprise sournoise de la méchanceté. Ya kwanza ni utawala ya uovu kwa et celle-ci, kisiri. C'est l'emprise dangereuse. Na hii inakuwa ni utawala wa hatari. Parce qu'elle est sournoise. Sababu ni ya kisiri. Et que la plupart de fois, na kwamba mara nyingi, nous ne nous rendons pas compte hatukunjue, qu'il y a un méchant ya kwamba kuna muovu, qui nous tue à petit feu. Ambaye iko natua kwa moto kidogo kidogo. Tu peux même demander à quelqu'un est-ce que tu as une requête? Unaweza kumuliza hata mtu je unahitaji? Il dit non, mais... Anakuambia hapana. Cette emprise sournoise sur certains. Utawala hii ya kisiri juu ya wamoja. Et ce qui fait que ce soir. Ndio nafanya kwamba jioni leo. Même certaines personnes ne sont pas ici. Watu wamoja wako hapa. Si tu rentres le soir. Ukirudi jioni. Que tu vas les visiter chez lui le na soir. Na kwamba unaenda kumtembelea kwa kijioni. Tu dis comment tu n'es pas venu à l'église. Unaambia sababu gani hukuja kanisani? Il est possible qu'il n'ait pas de réponse. Inawezekana hata kupatia jibu. Peut-être il va te dire. Sasa mmoja atakuambia. Nilisikia tu uvivu. Ah, je me sentais pas, j'étais paresseux. Et quand tu as senti le uvivu? Na uliposikia uvivu? Tu as raté la parole de Dieu. Umekosa neno la Mungu. Tu as raté la présence de Dieu. Umekosa uwepo wa Mungu. Tu as raté les interventions de Dieu sur ta vie. Umekosa vitendo vya Mungu juu ya maisha yako. Tu as conservé la méchanceté de Dieu sur toi. Na umelinda uovu juu yako. Terrible. Ni hatari. L'emprise sournoise. Utawala wa kisiri. Et ce qui fait que. Ndiyo naacha kwamba. Même quand tu dois te battre. Hata wakati unapaswa kupigana. Quand nous disons chacun va prier. Tunaposema kila mtu ataomba. Pour sortir de son emprise. Kwa ajili ya kuondoka chini ya utawala unao quelqu'un ici. Inawezekana mmoja hapa. Ne sait même pas où diriger ses coups. Hajui nafasi gani atapigia. Parce que quand tu penses à toi, sababu unapojifikiria, en fait tu ne retrouves pas l'ennemi. Hauone adui ko wapi. Pourtant, ijapokuwa l'état de ta vie, hali ya maisha yako, est une manifestation, inakuwa inaonyesha, d'une destruction profonde. Maharibifu ya les voisins ndani, qui te regardent, majirani wanaokuona, voient, wanaona, que la, cette personne, ya kwamba huyu mtu, cette maman, huyu mama, doit être sous un coup. Anapaswa kuwa chini ya utawala. Sa vie comme ça. Sababu gani maisha yake iko hivi? Mais toi-même. Lakini wewe mwenyewe. Tu te rends pas compte. Haukundui. Et tu navigues. Na uko tu naishi. Tu vas bien. Kiuru, mambo yote ni sawa. Mais l'état de ta vie. Lakini hali ya maisha yako. Demonstration. Inakuwa inaonyesha. Des grands succès du diable. Ya kufaulu kubwa ya shetani. C'est ton existence. Juu ya maisha yako. Ce soir. Jioni ya leo. Demande à Dieu. Umuombe Mungu. De te révéler. Akufunue. Quel est ton ennemi? Akufunulia adui yako ni nani? Ces influences. Mashawishi haya. Négatives sournoises. Mbaya na za kisiri. Se présentent à l'homme. De différentes manières. Kwa namna nyingi. On peut parler de différentes manières. Naweza kuzungumzia namna mbalimbali. Je vais citer quelques manières. Na nitataja namna mbalimbali. Une influence sur tes décisions. Inakuwa ni mashawishi juu ya maamuzi yako. Le diable, le méchant, shetani muovu, s'organise. Anafanya yake yote. Pour toujours. Ili kwamba kila mara. Influencer tes décisions. Aweze kushawishi maamuzi yako. Au négatif. Yakuwe mabaya. Quand il n'y a pas de décision à prendre, wakati hakuna maamuzi ya kuchukua, tu es normal, tu es correct. Uko sawa. En fait, le diable sait. Shetani anajua. Quand il n'y a pas de décision à prendre, ya kwamba wakati hakuna maamuzi ya kuchukua, il n'y a pas de danger. Hakuna hatari. Pour son emprise sur toi. Kwa ajili ya utawala wake juu yako. Mais chaque fois, lakini kila mara, tu te présentes face à une décision. Unapokuwa mbele ya maamuzi ya kuchukua, tu te rends compte, unagundua, des choses qui se tournent autour de toi. Ya kwamba mambo yanayoendeka nyuma pembeni yako. Et qui t'influence au négatif. Yanakuwa yanakushawishi kwa mabaya. De telle manière qu'à la fin, na hata kwa mwisho, tu as pris la mauvaise décision. Umechukua maamuzi mbaya. Je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu. Or, ijapokuwa, nous sommes tuko, ce que sont ilambayo, les décisions que nous prenons dans la vie. Ilambayo iko maamuzi ambayo tunaichukua maishani. Ta vie, maisha yako, ta vie, maisha yako, est la manifestation, inakuwa inaonyesha, de la nature, hali, de la qualité, hali, des décisions que tu prends chaque jour. Amuzi unayoyachukua kila siku. Il suffit que l'ennemi influence ton système de décision namna yako ya kuchukua maamuzi, son emprise, sa méchanceté fonctionne sur toi. Na hapo sasa uovu wako, utawala wa uovu wako unaanza tumika juu yako. Il fonctionne sur toi. Unatumika juu yako. Il fonctionne. Anatumika juu yako. Bwana asifiwe. Amina. Regardez par exemple, tu es invité à un test. Tazama unaalikwa kwenye mtihani wa kazi. Et pour aller faire l'examen. Na kwa ajili ya kwenda kufanya mtihani. Tu te prépares. Unajitayarisha. Et puis tout de suite. Na kisha hapo hapo. Il y a quelque chose qui passe dans ton esprit. Kuna kitu kinachopita ndani ya akili yako. Il faut que je m'habille de telle manière. Inomba nivae namna hivi. On ne sait jamais. Mtu wajua wake. Or, c'est l'ennemi qui est en train d'influencer ta décision. Ijapokuwa ni adui ndiye iko na shawishi maamuzi yako. Et il te propose. Na naanza kupendekeza. Une présentation extérieure. Kuonekana kwa nje. Qui n'est pas permis dans ce genre de réunion. Ambapo hakuruhusiwi ndani ya mikutano kama na hizo. Tu viens à un test. Unakuja kwenye mtihani wa kazi. Comment est ta présentation? Unavaa namna gani? Le diable, Shetani, ne t'a pas donné un coup de poing. Hakukupiga ngumi. Il t'a pas donné une plaie. Ama hakukuletea kidonda. Tu ne t'es pas cogné et puis il y a une fracture. Haukukua lakini sasa unasikia kabisa unavunjika. Tout simplement souffler sur ta décision de comment tu te présentes. Ameweza tu kupulizia maamuzi yako namna gani utavaa. Et puis te voilà. Na kisha wewe ule. Tu apparais dans la salle d'examen. Unaonekana ndani ya chumba ambapo watu watafanyia mtihani. Tu sais qu'ils sont là, ils se retournent, ils s'étonnent. Kisha wote ambao wako hapo wanageuka wanajiuliza. Una huyu. Una huyu. Et les jurys qui viennent ramasser les papiers, na wala ils ramassent, ils ramassent. Quand ils arrivent chez toi, wanaanza kuogota ile karatasi. Quand ils arrivent sur toi, wanapofika kwako, ils prennent ta copie, wanachukua ile karatasi yako. Ils se disent déjà dans le cœur, wanasema moyoni, oyu azate, oyu kabisa haiko. Ils vont même pas lire tes papiers. Hawatasoma hata karatasi yako. Tu as un agent comme ça. Unakuwa na mtumishi wa hivi. Ah, mambo ni basi. C'est fini. Basi. Qu'est-ce qui te fait rater le poste? Nini ambao unaacha kuomba usipate hiyo kazi? Une influence. Kuna ushawishi mbaya. Sur tes décisions. Juu ya maamuzi yako. Nous sommes tuko ce que sont les décisions que nous prenons. Ile ambayo maamuzi yako ambayo tunayoyachukua yako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Par exemple, dans le ministère. Kwa mfano ndani ya huduma. Le diable essaie de te pousser. Shetani anapima kukusukuma. À des attitudes bizarres et drôles. Kwa hali mbaya. Na za ovyo. Parce que les attaques ou l'emprise sournoise. Sababu utawala de l'ennemi, je disais. Il exerce sur tes décisions. Deuxièmement, il exerce sur tes attitudes. Tes attitudes. Quelle est la nature de tes attitudes dans la société? Nini hali yako ndani ya jamii? Quelle est la nature de tes attitudes dans le ministère? Nini hali yako ndani ya huduma? À l'union musicale. Kwa kwaya. Quelle est la nature de tes attitudes? Hali yako ni ya namna gani? Ton attitude peut faire qu'on te donne le micro. Hali yako inaweza acha wanakupa mandoani. Ou qu'on te donnera jamais. Ama hawatakupa hata siku moja. Tu es dans une église. Uko ndani ya kanisa. Quelle est ton attitude? Hali yako ni gani? Orgueil, kiburi, arrogance, majivuno, etc. Na kazalika. De telle sorte que na hata finalement kwa mwisho on ne sait pas te faire confiance. Mtu hawezi tena kukutegemea. Qui va te donner la chair? Nani ambaye atakupatia mazabahu ili uhubiri? Avec une attitude comme ça. Pamoja na hali kama na hii. Qui va te donner un espace? Nani atakupatia nafasi? Pour exercer le ministère. Ili utumie huduma yako. Lorsque tes attitudes sont drôles. Wakati hali zako ni za ovyo. Drôle. Ovyo. Mais d'où ça vient? Lakini inatokea wapi? Une influence sournoise. Ushawishi mbaya ya kisiri. Sur tes attitudes. Juu ya hali yako. Une influence sournoise. Ushawishi mbaya ya kisiri. Sur tes attitudes. Juu ya hali zako. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Troisième domaine. Uwanja wa tatu. Grâce auquel. Ambaye kupitia naye. La méchanceté reste dans la vie de quelqu'un. Uovu inabaki ndani ya maisha ya mtu. C'est la nature de tes avis. Inakuwa ni hali ya maoni yako. J'ai dit les décisions, les attitudes et les avis. Nimezungumzia maamuzi, hali na maoni. Tes avis. Maoni yako. Le diable s'arrange Shetani anafanya pour yote. Toujours te donner un avis bizarre ili et drôle. Kwamba kupatie maoni mbaya na ya ovyo. Même devant une situation claire et normale. Hata mbele ya hali ambayo où la vie de tout le monde est claire et naturelle. Na mbele ya kila mtu ni kawaida. Toi, wewe, ton avis sera toujours un peu drôle. Maoni yako itakuwa tu ovyo mbaya. Il y a des hommes qui aiment dire moi. Na kuna watu ambao wanapenda kusema mimi. Et c'est devenu comme une fierté quand les gens disent ça c'est mon avis hein. Na imekuwa kama sifa watu wanaposema hii ni maoni yangu. Est-ce que ton avis ici n'est pas influencé par celui qui te maîtrise? Je, maoni yako haishawishiwi na yule ambaye anakutawala. De telle sorte que na hata il est possible que dans les prochaines promotions, inawezekana ndani ya kuinuliwa cheo, tu n'es pas candidat. Wewe hauko kandidati. Parce que chaque fois dans les réunions, sababu kila mara ndani ya mikutano, tes avis sont influencés au négatif. Maoni yako tu yanakuwa yakiendea mabaya. Parce que le diable, sababu shetani, je vous ai dit hier, niliwaambia jana, les visées de l'ennemi. Shabaha za adui. Si tu as des bons avis, kama unakuwa na maoni nzuri, bientôt tu seras promu. Hapa usoni utaenda. Et le diable sait que si tu es promu, na shetani anajua kiuno ni wakati. Tes enfants étudient bien. Watoto wako watasoma vizuri. Ta femme est heureuse. Mke wako anakuwa mwenye heri. Maisha yanaendelea. La vie est belle. Maisha ni mazuri. Tu vas glorifier Dieu. Utamtukuza Mungu. Tu vas donner plus d'offrandes à l'église. Utatoa sadaka nyingi kanisani. En fait, c'est intéressant pour le royaume de Dieu. Inakuwa kabisa inaleta faida nyingi kwa ufalme wa Mungu na sasa. La méchanceté qu'il exerce sur toi. Uovu ambao anautumia juu yako. Il incline la nature de tes avis. Anageuza hali ya maoni yako. Même quand tu sais et que tu constates. Na hata wakati unajua. Que la vie des autres c'est le meilleur avis. Na unagundua ya kwamba maoni ya wengine ndio maoni nzuri. Tu voudrais toujours que ton avis. Ungependeka tu kila mara maoni yako ndio ipite. Et quand tu la donnes. Na unapoitoa. Tu insistes et les gens s'étonnent de toi. Unatilia mkazo na watu wanakushanga. Tu comprends pas que son avis est bizarre. Na watu wanaanza kujiuliza sababu gani leo ya kwamba maoni yake ni mabaya. Et puis toi-même tu te rends pas compte que ton avis est bizarre. Le diable voile ton visage. Il voile ton esprit. Anafunga roho yako. Que tu ne comprennes pas. Ili kwamba usielewe. Que tu es tout à fait hors jeu. Ya kwamba uko pembeni. Et puis tu te crampons. Na kisa tu unakasiria. Ne sais pas. Haujui. Le sept, la méchanceté. Ya kwamba fimbo ya uovu. Qui veut éviter qui veut éviter que tu sois promis. Ambao inahitaji kwamba usiinuliwe kazini na inapaswa inakushikilia kupitia maoni yako. Maoni yako. Et d'où tires-tu tes avis? Na unaondoa maoni yako wapi? Parfois à la fin. Mara kwa mwisho. De la réunion. Mwisho wa mkutano. Tu te rends compte après. Unagundua sasa baadaye. Que ton avis n'était pas correct. Unaona ya kwamba maoni yako haikuwa sawa. Et puis tu dis en fait c'est ce que vous aviez dit là qui était bien. Ile ambayo mlisema ndio ilikuwa. Pourquoi dans la réunion tu as eu un avis bizarre? Lakini sababu gani sasa ndani ya mkutano ulikuwa na maoni mbaya? Sababu adui est en train de te maîtriser dans son sceptre. Iko na kushikilia chini ya hiyo fimbo yake. Il y a un ordre. Kuna amri du diable akiso la shetani qui prévoit ambalo linaandaa que tu dois rester dans cette vie statique. Ya kwamba unapaswa kubaki ndani ya ile maisha fasi moja hautaenda mbali. Tous les coups sont permis. Na sasa hapa yote ambayo inawezekana itafanyika ili kwamba ubaki hapo. Na ndani mwako les influences sournoises. Mashawishi ya kisiri. C'est ton système de fonction. Juu ya mitumikio yako. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bref, kwa kifupi, pour ceci, kwa ajili ya hii, quand on est influencé comme cela, wakati unashawishiwa namna hivi, ces décisions, ndani ya maamuzi yako, ces attitudes, ndani ya hali zako, ces avis, na ndani ya maoni yako, on commet des erreurs, unafanya makosa, inconscientes, bila kujua. Oppose des actes. Unafanya vitendo. Y réfléchis. Bila kufikiri. On agit en retard. Unatenda ukichelewa. On gâche les relations. Unaharibisha mahusiano. On perd sa crédibilité. Unapoteza heshima yako. On rate les opportunités. Unakosa fursa. Et on gémit. Na unalia. Sous le sceptre de la méchanceté. Chini ya fimbo ya uovu. O jemi. Unalia. Ceci est très dangereux. Hii ni hatari sana. L'emprise sournoise. Utawala wa kisiri. Suite au système de fonctionnement. Juu ya namna yako ya kutumika. J'aimerais demander à quelqu'un de se décider ce soir. Ningependa nimwambie mtu wa mmoja jioni leo. Cherche sérieusement Dieu. Atafute kikweli kweli Mungu ndani ya mpango huu. Cherche sérieusement le Seigneur. Tutafute kikweli kweli Bwana. La répétition marudilio de ces manières d'être et de faire ya hii namna ya kuwa na kutenda finit par s'installer inamalizia dans votre être inajiweka ndani ya kuwa kwenu de telle manière que na hata on commence à observer dans votre vie watu wanaanza kuchunguza maisha yako résultat matokeo malheureux ya ole. On peut citer quelques-uns. Unaweza kutaja. Qui sont des résultats de l'influence sournoise. Ambao inakuwa ni matokeo ya hii ushawishi ya kisiri. L'influence sournoise. Ushawishi ya kisiri. Du sceptre de la méchanceté sur votre vie. Ya fimbo ya uovu juu ya maisha yako. On obtient la bassesse morale. Unaanza kuwa kama vile mtoto kimaadili. Bassesse morale. Kiutoto. Ephésiens 4, 17 à 24, vous allez le lire. Paul dit aux Éphésiens, voici ce que je dis et ce que je déclare devant le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Vous voyez ça? La vanité de leur intelligence. C'est l'intelligence qui agende les décisions. Ni akili ndio naleta maamuzi. Lorsque ton intelligence est influencée négativement. Lakini wakati akili yako inashawishiwa vibaya. Ton intelligence devient vaine. Na akili yako inageuka bure. La vanité de l'intelligence. Ubatili wa akili yao. Ils ont la pensée obscurcie. Wanakuwa na mawazo. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Na wawe ni wageni à cause de l'ignorance qui est en eux. Sababu ya kutojua iliyo ndani mwao. Quelquefois, mara nyingi, vous observez dans votre vie que vous mwako, n'arrivez pas à lire la Bible. Ya kwamba usomi Biblia, vous n'arrivez pas à vous instruire. Hauwezi kujifundisha. Même quand vous visitez un ami, na hata unapotembelea rafiki, vous le trouvez en train de lire un livre. Unamkuta akisoma kitabu. C'est comme si c'est lourd pour ni vous. Kama vile inakuwa nzito kwako. Et vous vous étonnez de lui-même. Na unaanza kumshangaa. Wewe unasoma kwa kweli. Toi tu lis vraiment. Tu pas tout autant à lire. Ah, wakati yako wewe tu ni kusomaka tu. Demain. Kesho. Je vais t'engager. Nitakupatia kazi. Demain ce sera. Kesho. Ça c'est mon ami, hein. Eh, hey, wewe ni rafiki yangu. On dormait dans le même lit. Tulikuwa tunalala kitanda moja. C'est moi qui dormais devant. Kwa sababu mimi ndimi nilikuwa nalala mbele. Sawa. Sawa tu. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Nini lipitikana jana? Tu as sombré. Dans la bassesse ndani ya upumbavu intérieure. Wandani. Quand ton ami lit, wakati rafiki yako anasema, toi tu regardes une vidéo. Wewe uko unaangalia video. Toi tu passes ici. Wewe uko unaona hiki. Toi tu fais cela. Wewe uko unafanya kile. Toi tu cherches. Wewe unatafuta. Sisi tulianza kuikanisa. C'est nous qui avons commencé cette église. Mais ces frères sont venus d'ici là et ils commencent déjà à nous prêcher. Avez-vous déjà entendu ce genre de phrases? Mais chers, c'est qui a mis comme nahi? Mais attends. Ngoya kwanza. Si tu es là depuis 20 ans. Kama uko hapa tangu miaka 20. Et que tu t'es laissé sous les jougs de l'ennemi. Na umejiachilia chini ya ushawishi. Lire la Bible, wakati ngeomba kusoma Biblia wewe hawangalie. Wakati ngeomba kwenda kuomba wewe haikuangalie. Kama ufuale gagner les âmes, wakati ngeomba kwenda kufuna nafsi wewe haikuangalie. Wakati ngeomba kuchifundisha kiroho. No. Hapana. Vous nous embêtez aussi là, pasteur. C'est trop de programmes à l'église comme ça. Kuna mipango nyingi kanisani hivi. Ok. Kesho. Demain. Il y a un petit qui s'est converti. Kuna kijana na okoka. Et il boit la parole de Dieu comme. Na anakunywa neno la Mungu. Kama maziwa. Maziwa. Mm. Awa bui. Il obéit à la parole de Dieu comme un robot. Anatii neno la Mungu kama robot. Il s'inscrit dans les lois de Dieu comme. Anajingiza ndani ya sheria za Mungu. Suite ici. Na hapa, il deviendra ton pasteur. Atakuwa mchungaji wako. Oh. Kwanza mimi ndio nilimuevangelisa. Dese moi qui l'ai évangélisé. Tu l'as évangélisé, il peut devenir ton pasteur. Ulimhubiri anaweza kuwa mchungaji wako. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu. Comment tu vis ta vie chrétienne? Namna gani unaishi maisha yako? Mais quel est le problème? Lakini shida ni gani? Les influences sournoises. Mashawishi ya kisiri. Ça t'empêche de te lancer dans les choses de Dieu. Ndani ya vitu vya Mungu. Ça t'empêche. Vinakuzuiza. Parce que le diable sait. Sababu shetani anajua. Qu'il y a un appel sur ta vie. Ya kwamba kuna wito juu ya maisha yako. Le diable sait. Shetani anajua. Qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Ya kwamba kuna kitu Mungu ameweka ndani mwako. Il faut jamais que cette chose sorte. Na ayombe kitu hiko hicho kionekane. Et s'il t'attaque ouvertement. Na kama anakushambulia kwa wazi. Les attaques ou l'embrise ouverte. Inakuwa utawala wa kuonekana si wawazi. Ouvertement. Akikushambulia kwa tu wazi. Tu vas le découvrir tout de suite. Utamgundua haraka. Tu vas le frapper. Na utampiga. Alors il vient par les attaques sournoises. Na kisha anakuja sasa kupitia mashambulizi ya kisiri. Tu ne te rends pas compte que ça fait déjà 7 ans. Na utagundua ya kwamba imekuwa tayari miaka 7. Que tu n'évolues pas spirituellement. Hauendelee kiroho. Ça fait déjà 15 ans. Imekuwa miaka 15. La Bible, Biblia, c'est la Bible du dimanche. Inakuwa Biblia kupeleka kanisani siku ya Mungu. La prière, maombi, c'est pour la femme. Ni kwa ajili ya mwanamke. Tinda prière mama. Tuma maombi mama. Demain encore mama. Kesho mama. Il est 19h. Imekuwa saa moja. Tinda prière. Tuma maombi. Tinda prière. Tuma maombi. Curieusement, ça fait 8 ans. Tinda ka prière. Na kwa kushangaza imekuwa miaka 8. Et puis ta femme a beaucoup évolué dans la foi. Na kisha mke wako ameendelea ndani ya imani sana. Elle a commencé à avoir des révélations. Anaanza kuona ufunuo. Elle a des choses avec Dieu. Ana vitu pamoja na Mungu. Et tu commences à te fâcher contre elle. Na unaanza sasa kumkasirikia. Madame, tu es devenue orgueilleuse. Mama, umekuwa na kiburi gani? Elle n'est pas orgueilleuse. Haiko na kiburi. Elle a tout simplement avancé et foncé avec Dieu. Ameendelea tu mbali pamoja na Mungu. Et c'est naturel. Na inakuwa kawaida. C'est normal. Ni kawaida. Quel est ton problème? Shida yako ni gani? Tu es sous le coup. Wewe uko chini ya utawala. Influence méchante. Wa ushawishi mbaya. En quoi c'est méchant? Ni uovu namna gani? Écoutez-moi un peu. Msikilize kidogo. Si je constate que ce soir j'ai pas lu la Bible. Kama nagundua kwamba jioni leo sikusoma Biblia. Où est-ce que ça blesse? Inaniumiza wapi? Est-ce que ça blesse quelqu'un? Je naumiza mtu? Alléluia. Amen. Ça blesse où? Inaumiza wapi? Mais demain aussi je lirai pas. Lakini kesho pia sitasoma. Jusqu'au mois prochain. Mpaka mwezi ujao. Je n'ai pas lu. Sikusoma. Et puis à la cellule, on me dit, frère, tu vas nous exhorter. Na kisa kwa siriki wanakuambia ndugu tupatia neno. Va chercher le message. Aha, tafutaka sasa ujumbe. Cherche maintenant. Tafuta sasa. Frère, tu vois, ces derniers temps, je suis très occupé. Ndugu, naona hii wakati kabisa niko na kazi nyingi. C'est vide là-dedans. Uko ndani ni wazi, hakuna neno. Il est écrit. Imandikwa. Que la parole de Dieu habite à vous. Neno la Mungu likae kwenu kwa wingi. Colossiens 3:16. Wa Kolosai 3:16. Neno la Mungu likae kwenu kwa wingi. Elle n'est pas abondamment en vous. Lakini haiko kwa wingi ndani mwako. Et pour quelle raison? Na sababu gani? En fait, unajua? Quotidiennement. Kila siku. Quotidiennement. Kila siku. L'ennemi. Adui. S'est arrangé. Amefanya chaque fois vous vous éloignez de la parole. Kila siku nenda mbali na neno. Chaque fois il t'éloigne. Kila siku anakupeleka mbali. Et puis c'est innocent. Na kisha hauna hatia. C'est comme inoffensif. Ni kama vile hakushambulii. En quoi c'est méchanceté? Hii ni mbovu kwa namna gani? Si je pas lis la Bible. Kama sikusoma Biblia. Pasteur, méchanceté quoi pas? Uovu iko wapi? Nilichoka tu, nilichoka tu. J'étais fatigué. La méchanceté se voit. Uovu inaonekana. Lorsque tu te rends compte que finalement, wakati unagundua ya kwamba kwa mwisho kuna vitu qui t'étaient réservés. Ambavyo vilikuwa vinatayarishwa kwa ajili yako. Dans la suite de ta destinée. Ndani ya kufuatilia hatima yako. Tu devrais aller comme ça. Na ungepasha kuenda hivi. Et dans 3 ans, tu es à quelques kilomètres de ta destination. Na kwa miaka 3 sasa umekuwa mbali sana na hatima yako. Là-bas. Umeshafikia kule. Par des choses sournoises. Kupitia vitu vya kisiri. Vitu vya kisiri. Ok. Gagnons du temps pour prier. Lèvons-nous. Tukombe muda kwa kuomba tusimame. Tutaendelea kesho. Lèvons-nous ensemble. Tusimame pamoja. Alléluia. Baba oh. Oh. Baba oh, oh, oh, Baba, Baba oh, oh, oh, oh, Baba, Baba oh, oh, Baba, Baba oh, Baba oh. Ensemble, je vais prier avec vous. Tunyoshe mikono yetu pamoja nitaombe pamoja nanyi. Tu vas dire Seigneur. Utasema Bwana. Prie avec moi. Omba pamoja nami. Dites Seigneur Jésus. Sema Bwana Yesu. Le diable est méchant. Shetani ni muovu. Il pêche depuis le commencement. Anatenda zambi tangu mwanzo. Il pêche depuis le commencement. Anatenda zambi tangu mwanzo. Il est menteur depuis le commencement. Yeye ni muovu musema uongo tangu mwanzo. Il est meurtrier depuis le commencement. Yeye ni muuaji tangu mwanzo. Il a détruit ma vie. ameharibu maisha yangu bila mimi kuijua. Il a écrasé mon avenir. Amevunja ujao wangu. Il y a des choses. Kuna vitu. J'aurais difficile à récupérer. Ambavyo nitakuwa vigumu kupata. À cause. Sababu. De son emprise sournois. Ya utawala wake wa kisiri. Ce soir. Jioni ya leo. Je te prie. Ninakuomba. Ouvre mes yeux. Fungua macho yangu. Afin que je voie. Ili kwamba nione. Par où il est passé pour me détruire. Amepitia wapi kwa kuniharibu. Ouvre mon esprit. Fungua roho yangu. Que ta lumière soit. Na nuru yako que iwe. Ta lumière vienne. Nuru yako ije. Dans mon esprit. Ndani ya roho yangu. Afin que je voie. Ili kwamba nione. En quoi. Ndani ya nini. Il m'a influencé. Ameniweza kunishawishi. En quoi. Ndani ya nini. Il influence mes décisions. Anashawishi. En quoi. Maamuzi. Il influence mes attitudes. Anashawishi hali zangu. Ndani ya nini. Il marche sur mes avis. Anatembea juu ya. Ce soir, mon père. Jioni leo bwana. Tu es mon père. Wewe ni baba yangu. Ne me laisse pas rentrer comme ça. Usiniache nirudi hivi. Commence à prier maintenant. Anza kuomba sasa. Vas-y en détail. Ingia anza kuongea. Tu peux aller à genoux. Unaweza kupiga magoti. Tu peux coucher par terre. Unaweza kulala chini. Tu peux marcher. Unaweza kutembea. Nous avons suffisamment de temps. Tuna muda wa kutosha. Discute. Ongea. Passe à revue. Anza kuangalia. Ouvre grandement tes yeux. Fungua macho yako. Sur ce qui t'arrive. Juu ya ile ambayo unakufikia. Hebredi. Waebrania nasema. Vous seriez déjà des maîtres. Mungepasha kuwa wa Bwana tayari. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Vous êtes encore sur les rudiments de la vie. Mungali muko chini. Votre vie est encore rudimentaire. Maisha yenu yangali ya chini chini. Votre service pour Dieu. Kazi yenu kwa chini ya Mungu. Est encore rudimentaire. Ngali ya chini chini. L'état de votre vie. Hali ya maisha yenu. Est encore rudimentaire. Ngali ya chini chini. Même la prospérité dans votre vie. Hata mafanikio maisha ni mwenu. Elle ne fait que s'éloigner comme des chimères. Inakuwa inaenda tumbali. Qui m'a amené à ça? Nani ambaye nipeleka kwa hii? C'est le méchant. Ni muovu. Le méchant. Muovu. Maintenant Seigneur aide-moi. Sasa Bwana nisaidie. À repérer par où il passe. Niona napitia kwa. Aide-moi Seigneur. Unisaidie Bwana. À découvrir comment il vient sur moi. Nigundue namna gani anakuja juu yangu. Aide-moi Seigneur. Unisaidie Bwana. À le détecter à temps. Kumutambua kwa muda. Aide-moi le détecter à temps. Unisaidie kumutambua kwa muda. Aide-moi le repérer au moment. Unisaidie kwa mkuona napokuja. Oh Dieu, eh Mungu. Sensibilize mon esprit. Wende ukatengeneze roho yangu. Omba Bwana, omba Bwana. Nous prions, nous prions. Priez s'il vous plaît là derrière. Priez. Ne vous assoupissez pas. Priez s'il vous plaît. Priez. Veuillez prier s'il vous plaît. A Karagoshe à Los Angeles, Aya Kalababa Baba. Iya Kaba Karababa Shetterevasa. Ridia Ragabobo Shetteregeti Kalabosaya. Quelqu'un doit ouvrir les yeux. Seigneur, guéris mon aveuglement. Le méchant m'a rendu aveugle. Je poursuis des chimères. Le méchant m'a rendu aveugle. J'ai gâché mon foyer moi-même. J'ai gâché mon avenir. J'ai raté des opportunités. J'ai raté des occasions. Pas de mauvaises décisions. J'ai raté. Carrara gola boya rorario laza. Ere kate karobo shakara dara goze aradara. Geri ado galara bagosha yarara. Yabo. Irege ya bossa tata kaya batie kere ola ori dana ya di asakara da ye da galaba oh ya kata kara goshe dada baba oh Père Céleste, libère ta lumière dans cette salle, libère ta lumière, libère ta lumière, ô Dieu dans nos âmes. Libère nos cœurs. Oh Dieu, que les ténèbres se dissipent. Que le noir se dissipe. Que les manteaux de la mort s'éloignent de nous. Oh Dieu, sensibilise nos cœurs. Oh Dieu, relève notre sensibilité. Relève notre sensibilité spirituelle. Oh Dieu, relève notre sensibilité spirituelle. Oh Dieu, nous sommes devenus aveugles. Guéris nos yeux. Nous sommes devenus sourds. Guéris nos oreilles. Écoutez, l'Esprit de Dieu dit ceci. Sikiliza roho wa Bwana anasema hivi. Il veut restituer à quelqu'un. Anahitaji kumrudishia mtu. Les années perdues. Ile miaka iliyopotea. Il y a quelqu'un ici, Dieu veut lui restituer ce qu'il a perdu. Kuna mtu ambaye Mungu anahitaji kumrudishia ile aliyepoteza. Tu as beaucoup perdu. Umepoteza nyingi. À cause de ces influences. Sababu ya mashawishi haya. La grâce de Dieu est là sur toi. Neema ya Mungu iko hapa juu yako. Et Dieu veut te le restituer. Mungu anahitaji kukurudishia haya. Il te restitue. Anakurudishia. Il te restitue. Anakurudishia. Il te restitue. Anakurudishia. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Je vous restituerai ce qu'ont dévoré les sauterelles. Nitawarudishia ile ambayo mapanzi waliweza kula. Levons-nous ensemble, levons-nous ensemble. Tusimame pamoja. Levons-nous ensemble. Tusimame pamoja. Tu vas prier comme ceci. Utaomba hivi. Tu vas dire Seigneur. Utasema Bwana. J'avais raté ceci. Nilikosa hii. J'avais perdu cela. Nimepoteza hii. Tu connais. Unajua. Seigneur, donne-moi une nouvelle chance. Bwana nipatie bahati mpya. Prions le Seigneur. Tumuombe Bwana. Quelqu'un réclame. Kuna mtu anatamka. La restitution. Anaanza kutangaza kurudishwa. Quelqu'un réclame la restitution. Kuna mtu anaanza kutangaza kurudishwa. Seigneur, restitue-lui. Bwana mrudishie. Il avait perdu. Yeye ambaye il avait raté. Yeye ambaye alikosa. Oh Dieu, que ton trône. Ton trône. Ton trône. Restitue. Et c'est une position sociale. Dieu, il te la restitue. Il te la restitue. Il te la restitue. Récupère ce qui est à toi. Récupère. Récupère. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Récupère. Tu avais perdu. Tu avais perdu. Dieu, il est le Dieu de l'irréversible. Ta situation est devenue irréversible. Mais le Dieu que nous prions ce soir est le Dieu de l'irréversible. Il est le Dieu de l'irréversible. Il est le Dieu de l'irréversible. Il renverse ce qui était devenu irréversible. Ce soir, au nom de Jésus, il renverse l'irréversible. Anapindua. Ce soir, il renverse l'irréversible. Ce soir, tu as commis des erreurs. Le Dieu des cieux, Mungu il te pardonne. Le Dieu des cieux, il te pardonne. Il te néglige et il restitue. Ana rudisha. Il te retourne. Ana kurudishia. Il te retourne. Ana kurudishia. Tu as perdu. Il renverse l'irréversible. Ana pindua isiyoweza kugeuka. Levons nos mains ensemble. Tunyoshe mikono yetu pamoja. Nous avons lu la parole de Dieu. Tumesoma neno la Mungu. Nous avons écouté la parole de Dieu ce soir. Tumesikiliza neno la Mungu jioni ya leo. On va continuer demain. Na tutaendelea kesho. Avant de terminer. Lakini mbele ya kumaliza. Dieu nous a dit au début de ce culte. Mungu amekwambia mwanzo wa ibada hii. Voilà. Tazama. Ce que fera le zèle de l'Éternel. Il ambayo piti ya Bwana wa majeshi tafanya. Il va faire appel. Utaita. Maintenant. Sasa. Au zèle de l'Éternel dans ta vie pour te délivrer. Prions le Seigneur. Appelle le zèle de Dieu. Ita bidii ya Mungu. Seigneur, tu es zélé plus que moi. Bwana, wewe unabidi kunishinda. Seigneur, tu es plus fort que moi. Bwana, wewe unabidi kunishinda. Kuna mtu anaoba. Seigneur, descend dans ma vie. Bwana, shuka mashadi mwangu. Seigneur, descend dans ton zèle. Bwana, shuka ndani ya bidii yako. Bwana, anakuja ndani ya bidii yako. Bwana, kuja ndani ya bidii yako. Viens dans la vie de cette maman. Dans ton zèle, et ravage, ravage, brise les liens, brise les chaînes, dans ton zèle, maintenant, brise les chaînes. Le zèle. Voilà ce que fera le zèle. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Viens à ton zèle. Viens à ton zèle, Yahweh. Viens à ton zèle, mon Dieu. Fait par sa grâce. Oh, Ngolue, Ngolue, Ngolue, oh, Ngolue, oh, Ngolue, Ngolue, Ngolue, Ngolue, Ngolue, c'est par sa grâce. Ni kwa neema yake. Il renverse l'irréversible. Anapindua isiyoweza kugeuka. Tena Ngolue. Kotilo la ye, sena ngolue, ekomba boti mwana ye golue basimi koma baboti mapasa ye sena ngolue ngolu ya zambe elekeli nga mayele nayebi ngolue ngolu ebetisi nga fololo sena ngolue Écoutez, frères et sœurs, les paniers des offrandes passent pendant que nous chantons ces cantiques. Faites passer les paniers, s'il vous plaît. Nous donnons à Dieu avec joie. Donnons au Seigneur. Tumpatie Bwana. Tu me fais grâce. Tu me fais grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus. Tu me fais grâce. Tu me fais grâce. Yalala! Jésus. Si tu veux, Seigneur, si tu veux, Seigneur Jésus, tu me fais grâce. Tu me fais grâce, tu me fais grâce, tu me fais grâce. Tu me le veux, Seigneur Jésus, tu me fais grâce. Tu le veux, oui, tu me fais grâce. Tu me fais grâce, tu me fais grâce, tu me fais grâce. Tu le veux, Seigneur Jésus, tu me fais grâce. Oui, tu me fais grâce. Tu me fais grâce. Tu me fais grâce. Tu le veux, Seigneur Jésus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Goloué, Goloué, Goloué, Goloué, Goloué, Goloué, Goloué, Goloué, Si tu veux, si tu veux, Seigneur Jésus, tu le fais grâce. Tu le veux, Seigneur, tu le veux, Seigneur Jésus, tu me fais grâce. Tu le veux, Seigneur, Seigneur Jésus. Goloué, Goloué, Goloué, Goloué, Goloué, Goloué, Goloué, Goloué, Goloué, Goloué, quelqu'un danse pour Yahweh. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, Bina landa kombo. Amina yo, abina buje, bina bina landa kombo. Amina yo, abina bina bina bina landa kombo. Avec des cris de joie. Que les afouraha. Oh! Et les murailles de Jéricho tombèrent. Nakuta zare Jéricho zinanguka. Et les murailles s'écroulent. Nakuta ikanguka. Et les murailles de ta vie s'écroulent. Nakuta za maisha yako zinanguka. Et les murailles de ta vie s'écroulent. Nakuta za maisha yako zinanguka. Et on renverse. Anafunja. La méchanceté s'écroule. Wovu nanguka. On va terminer. Tutamaliza. Une minute. Dakika moja. Nous allons rapidement. Tutafanya kwa haraka. Demander la grâce de Dieu sur notre pays. Tuombe neema ya Mungu juu ya nchi yetu. Prions le Seigneur. Tumwombe Bwana. Fais grâce à la RDC. Neemisha Congo. Ta grâce en RDC. Nema yako ndani ya Kongo Bwana. Libère cette nation. Fungua taifa hili. Délivre ce pays. Fungua nchi hii. Guéris ce peuple. Ponya nchi hii. Délivre ce peuple. Fungua nchi hii. Que la méchanceté tombe. Uovu uanguke. Que la méchanceté tombe. Uovu uanguke. Que la méchanceté tombe. Uovu uanguke. La méchanceté s'écroule. Uovu uanguke. Je déclare. Natangaza. La méchanceté diabolique. Ya kwamba uovu sur la RDC. Satani juu ya Kongo. Tombe. Unanguka. Tombe. Unanguka. Dans tous les niveaux. Kwa ngazi zote. Tombe. Unanguka. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Amen. Asseyons-nous une minute. Tuketi kwa dakika moja. À 20h. Pa sambili za usiku. Prière. Kuna maombi. On ne fait que commencer à prier. Tuko tu tunaanza kuomba. On ne fait que commencer. Tungali tu mwanzo wa maombi. Alors nous avons les 3 opportunités par jour. Tuna fursa 3 kwa siku. Je voudrais insister pour le matin. Ningependa ndani tilie mkazo jo asubuhi. 6h à 7h15. Ni kuanzia saa 12 za asubuhi hadi saa 1 na robo. Bonne heure. Ni wakati mzuri sana. Nous plongeons dans la prière. Ambao tunaingia kilindini ya maombi. Voyez déjà maintenant alors qu'on a envie de prier on arrête. Unaona hapa tuna hamu ya kuomba lakini tunasimamisha. Mais aussi le soir à 20h. Na jioni pa saa 2 za usiku. Quelque 2 ou 3 heures. Saa mbili ya masatatu ambapo tunaingia kilindini ya maombi. Wapendo tusikose fursa hizi. Mungu naye est intéressé à celui qu'il constate qu'il est intéressé. Anahusika na yule ambaye anaona ya kwamba naye anahusika. Si Dieu te voit intéressé. Mungu akikona kwamba unahusika. Aux choses qu'il est en train de proposer. Kwa vitu ambavyo anakuonyesha. Tu vas les avoir. Utavipata. Mais s'il voit que tu n'es même pas intéressé, lakini akiona ya kwamba se tourner ailleurs. Atageukia fasi nyingine. Il est écrit. Imeandikwa. Il est venu pour les siens. Alikuja kwa walio wake. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Lakini walio wake hawakumpokea. Il s'est tourné vers les gentils. Na akawageukia mataifa. C'est grâce et sondable. Neema hii sio na kipimo. Zimekuja kwa ajili yenu. Si vous n'êtes pas intéressé, kama hausike, Dieu va les tourner ailleurs. Mungu atazigeuzia fasi nyingine. Mais si nous sommes intéressés, lakini kama tunahusika, à les recueillir, à les récolter, kwenda kutoa, nous les kuvuna, tutazipata. Amen. Amen. Alors, demain matin, 6h. Kesho asubuhi pasa 12 za asubuhi. Et puis, pour ceux qui sont en 12h à 12h30, ombre. Kwa wale ambao wako kwenye kupumzika chini ya kivuli ya Mungu pasa 6 unusu. Lakini pasa 9 tuko hapa, tunaanza kuomba. N'attends pas l'officiant. Usingoje mwongozi wa ibada. Anza kuomba. Et puis, na kisha, profitons d'écouter la parole. Tufaidie kusikiliza neno. Plus nous comprendrons. Zidi tutaelewa. Mieux nous prierons. Tutaomba vizuri zaidi. Amen. Amen. Levons-nous. Tusimame. Confessons la grâce. Tukiri neema. Oui, hakika. Le bonheur et la grâce. Wema na fadhili. M'accompagneront. Vitanifuata siku zote za maisha yangu. Et j'habiterai dans la maison. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Jusqu'à la fin de mes jours. Hadi mwisho wa maisha yangu. Amen. Amen. Vous êtes béni. Mumebarikiwa. Et demeurez béni. Na mudumu mukibarikiwa. Amen. Amen.